Chez Harmonie Mutuelle, le pouvoir du collectif, c'est permettre à tous d'être bien remboursés. Comme avec Serge. Faute de moyens, il n'avait pas pu changer ses lunettes cassées. Mais avec notre réseau, on se bat pour que chacun puisse s'équiper et Serge a même eu accès au remboursement intégral. C'est bien de jouer collectif. Découvrez toutes nos solutions santé sur harmonie-mutuelle.fr. Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Mutuelle soumise au code de la mutualité. Venez rencontrer nos conseillers dans votre agence. 4 places Léon Gontier à Amiens. France Culture. Celui-là fera parler de lui, aurait murmuré Mozart au sujet de Beethoven, de 14 ans son cadet. Né en 1770, le compositeur se fit d'abord remarquer pour ses talents d'improvisateur, en grande dame de son professeur, le grand Haydn. 250 ans plus tard, en 2020, Beethoven est partout. Des salles de concert aux publicités, du cinéma à l'hymne européen, Eric Rohmer le tient pour un grand philosophe, et même Kobe Bryant, la star du basket américain décédé le 26 janvier dernier, ne jurait que par lui. Alors révolutionnaire, celui qui vécut parfaitement intégré dans les salons de Bonn puis de Vienne? Eh bien oui, la semaine ne fait que commencer. C'est sur les collines que vous voyez derrière moi que s'est écrasé l'hélicoptère qui transportait dimanche matin Kobe Bryant, la star de la NBA. Two seconds, one second, Kobe pump fake, Kobe for the win! Kobe the dagger! What a play by Kobe Bryant of the Los Angeles Lakers! On peut dire que la musique de Beethoven est une philosophie, c'est pas une philosophie de l'être, c'est une philosophie des idées. Mais ces idées sont des idées qui ne sont pas exprimables. Ce sont des idées que nous comprenons sans l'intermédiaire du concept. Ça entre directement en nous. On a l'impression que c'est une musique qui nous parle. Ça, je crois que c'est important. C'est vraiment un langage. C'est même plus qu'un langage, c'est de la parole. Mais cette parole n'est exprimable par aucun concept. Bonjour Elisabeth Brisson. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Saviez-vous que le joueur de basket Kobe Bryant, qui nous a quittés la semaine dernière, donc grand joueur de la NBA, ne jurait que par Beethoven, aimait l'interpréter au piano, en parlait beaucoup pendant ses interviews, et qu'Eric Rohmer, le cinéaste Eric Rohmer, le tient pour un grand philosophe? Alors, pour le basketteur, j'ignorais. Pour Eric Rohmer, je suis ravi d'entendre sa façon de parler de Beethoven, parce que c'est exactement ce qu'il faut dire. C'est que Beethoven n'était pas du tout théoricien, n'était pas du tout un écrivain comme sera Wagner, hein, avec tous les écrits de Wagner, mais il a, par son faire, par son processus créateur, il a pensé en musique. Et penser, donc, les concepts, d'accord, c'est par des mots, mais c'est... avant même les concepts, et il, comme il le dit, je crois qu'il y a une formule qui était d'une formule de l'époque, de toute façon, c'était venu du cœur, que ça atteigne le cœur de l'autre. Eh bien, c'est tout à fait cela. Il y a cette espèce de, il n'y a pas de médiation entre, pas de médiation verbale entre ce qu'il a composé et ce que l'auditeur reçoit. Ce qui est assez incroyable, c'est que dans les propos d'Eric Rohmer, lorsqu'il dit que Beethoven est un philosophe qui exprime des idées sans concept, ben on y entend exactement la définition que Kant donne du beau dans la critique de la faculté de juger. Et Kant est un philosophe qui a enseigné au moment où Beethoven habitait à Bonn. Et en fait, Beethoven a suivi des cours de Kant. Ses amis auraient bien aimé qu'il aille avec eux suivre des cours sur Kant. Hein, pas de Kant, mais sur Kant, il aurait bien aimé. Mais en fait, Beethoven, il composait ou il jouait. Mais il était très imprégné de cette philosophie ancienne, parce que autour de lui, il faut pas oublier qu'à Bonn, il a vraiment eu une éducation de culture, de pensée, de réflexion très très profonde. Et lui-même s'est inscrit à l'université. Et s'est inscrit à l'université, j'aime bien le dire, là, le 14 mai 1789. Ouais. Pour suivre les cours d'un esthéticien, on va dire, qui s'appelait Eulogius Schneider, Eulog Schneider, on dit en français, et qui faisait des cours sur le beau, le bien, le vrai, en s'appuyant évidemment sur la référence à l'Antiquité, mais également avec le kantisme qui flottait dans l'air, hein. Alors vous êtes Elisabeth Brisson, historienne, spécialiste de musique et plus particulièrement de Beethoven et de Berg, le compositeur autrichien. Vous avez consacré à Beethoven une biographie qu'on trouve aux éditions Ellipse, biographie dans laquelle vous qualifiez Beethoven de révolutionnaire. Faut-il l'entendre au sens politique ou au sens esthétique ? Eh bien c'est aux deux sens. Aux deux sens. Et alors, par exemple, pour vous dites politique, on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, une lettre qu'il avait écrite en 1795 à un de ses amis de Bonn. Et cet ami de, enfin, donc c'était avec un copain, quoi, un type avec lequel il avait eu justement cette formation culturelle et cette imprégnation des idées des Lumières. Et ce copain, Heinrich von Struve, était en Russie et il lui dit, vous êtes dans les pays du Nord, là où il fait froid, où les droits de l'homme sont loin d'être respectés. À quand est-ce que enfin l'homme sera considéré et respecté? Et 1795. Et juste avant, il avait aussi lu le poème de Schiller, Anne die Freude, qui est un poème de... Ode à la joie. Oui, oui, mais je dis justement pas ode, parce que c'est à la joie. À la joie. Oui, c'est à la joie. Donc, est-ce que c'est une ode? Une ode, on a, c'est Pindare, etc. C'est de la grande poésie. À la joie, c'est un poème de Schiller de 1785. Et qui est, alors c'est une chance, comme un poème, les Allemands disent Gesellschaftslied, et j'arrive pas à trouver l'équivalent, parce que je disais chanson à boire, mais mon ami m'a dit, c'est pas comme les chevaliers de la table ronde, c'est une chanson qui se chante en collectivité, et qui est effectivement, il y a beaucoup de refrains qui disent de lever le verre pour tous, et surtout pour chasser les tyrans, hein. Construire un monde où les mendiants seront frères des princes. Ça, c'est la version que Beethoven voulait mettre en musique dès 1792. On a un témoignage, bon, qui est une lettre à la femme de Schiller, etc. Et donc, pendant sa période de Bonn, il était très pris par ses idées de fraternité. Hein. Et les mendiants seront frères des princes. Schiller va atténuer le poème en 1803. Ou 1800, je ne sais plus exactement, parce que c'était un peu trop révolutionnaire. Et c'est un poème qui a été beaucoup, beaucoup de versions, comme nous, les chansons populaires. Hein. Et là, Beethoven va pas mettre ça tout de suite en musique, mais il va le porter toute sa vie, puisque c'est en 1823 qu'il l'intègre dans sa 9e symphonie. Et donc, cette dimension révolutionnaire, c'est aussi, avec ce fameux maître, enfin, ce fameux professeur Eulogius Schneider, dont il suivait les cours, eh bien, Eulogius Schneider a écrit un poème en l'honneur de la prise de la Bastille, bon, 1789, hein, et Beethoven a été un des premiers souscripteurs. Donc, vous voyez, il a suivi. Et moi, je dis que Beethoven n'a pas été influencé par les idées de la Révolution, mais qu'il a été de ceux qui ont permis à la Révolution de s'exprimer. Un peu comme Kant. Donc, mais à sa façon, et il était très porté par. Alors, il avait à Bonn aussi, il était très influencé par les Illuminés de Bavière, c'est-à-dire que c'était une branche de la franc-maçonnerie qui était très avancée, tellement avancée qu'elle a été interdite et qui voulait le bien-être de tous. Oui. Mais c'est toute la question, comment est-ce qu'on fait pour exprimer des idéaux révolutionnaires par la musique ? Comment est-ce qu'on fait par la musique ? Alors, il y a les sonorités, bien sûr. C'est-à-dire ? Alors, je dis bien sûr les sonorités, c'est-à-dire que la révolution, les révolutionnaires en France vont utiliser la musique comme médiation, hein, pour diffuser les idées de la révolution. Il y a un magazine de musique qui est régulièrement publié à partir de 1795 et qui publie des marches, des hymnes, des symphonies militaires pour diffuser ces sonorités qui sont des sonorités qui claquent dans l'espace sonore. Je sais pas si vous connaissez cette gravure célèbre de la fête de l'être suprême sur la place de la Concorde, où il y a la montagne, etc., deux colonnes avec un Hercule sur une colonne et deux trompettistes qui sont là pour faire en sorte que les 2400 choristes qui sont sur cette place publique puissent entonner ensemble la Marseillaise. Et bien, c'est une image qui est héritée de Rousseau aussi, être le peuple rassemblé sur les places publiques, qui a certainement influencé beaucoup Beethoven et qui donc a voulu reproduire par ses sonorités de plein air ce lien social qui est créé par la musique. Donc c'est la dimension collective du mouvement révolutionnaire qu'il essaye de traduire dans sa musique. Oui, dans certaines œuvres, oui, c'est certaines, oui, tout à fait. Même s'il y a aussi des apports proprement musicaux, pour le coup, qui sont eux-mêmes révolutionnaires. On y viendra dans un instant, Elisabeth Brisson. Je vous propose, c'est aussi le but de cette semaine, hein, qu'on écoute ensemble un premier extrait. C'est vous qui l'avez proposé pour commenter cette semaine d'ailleurs. C'est une cantate. Alors, figurez-vous que lorsqu'on a annoncé la semaine sur Beethoven la semaine dernière, on a reçu des messages, l'équipe des chemins de la philosophie a reçu des messages en disant, mais non, vous vous trompez, les cantates, c'est pas Beethoven, les cantates, c'est Bach. Or non, Beethoven est l'auteur de cantates. C'est une cantate qui lui a été commandée en 1790. Il a fait d'autres cantates. Hein. En 1790, lors de la mort de l'empereur Joseph II, qui était un despote éclairé, un empereur ouvert aux idées nouvelles, on va dire. Mm-hmm. Pardon. Et quand il est mort, eh bien, la société de Bonn. C'est vraiment politiquement très important. La société de lecture de Bonn, qui était une façon qu'avaient eu les illuminés de Bavière de se reconvertir. Donc, vous voyez, il y avait une grande charge idéologique d'ouverture sur la culture et la liberté de tous. Et cette donc société de lecture commande à Beethoven la musique d'une cantate qui a été faite par un autre élève de Olaugius Schneider. C'est par Olaugius Schneider que c'est venu. Commande donc cette musique qui n'a pas été jouée. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que les instrumentistes rechignaient parce que c'était trop difficile? Ou est-ce que, pourtant le contenu idéologique, c'est très très imagé, c'est le monstre du fanatisme qui a été terrassé par l'empereur Joseph II et qui... grâce à Joseph II, eh bien, on est maintenant, l'humanité peut accéder à la joie suprême. Alors, on écoute cette cantate interprétée par l'Orchestre Symphonique de San Francisco avec, pour chef d'orchestre, Michael Tilson Thomas. Nous avons parlé de Mozart et de Beethoven. Ils trouvent dans ce dernier une veine de misanthropie et de désespoir, et surtout une peinture de la nature, qui n'est pas à ce degré chez les autres. Nous lui comparons Shakespeare. Il me fait l'honneur de me ranger dans la classe de ces sauvages contemplateurs de la nature humaine. Il faut avouer que malgré sa perfection céleste, Mozart n'ouvre pas cet horizon-là à l'esprit. Cela viendrait-il que Beethoven est le dernier venu ? Je crois qu'on peut dire qu'il a vraiment reflété davantage le caractère moderne des arts à l'expression de la mélancolie et de ce qu'à tort ou à raison on appelle romantisme. Vous écoutez France. France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Beethoven. Cette semaine, on philosophe avec Beethoven, on a parlé de Beethoven et de son rapport à Kant. Voici un extrait, je viens de lire un extrait d'une lettre que Delacroix adresse, enfin plutôt où Delacroix, le peintre Delacroix, rapporte une conversation avec le pastelliste Grenier du 28 février 1847 et il qualifie Beethoven donc comme étant celui qui a vraiment reflété le caractère moderne des arts. Elisabeth Brisson, ce point m'intéresse et peut-être que la cantate que nous venons d'écouter vous permet de l'illustrer. En quoi est-ce que Beethoven, au moment où il compose par exemple cette cantate, est particulièrement moderne? Qu'est-ce que ça veut dire en 1790? Qu'est-ce que ça veut dire en 1790? Ça veut dire oser organiser le discours musical d'une façon qui soit à la fois héritière de Bach et de Handel, mais aussi qui propose une organisation de masse sonore, de là on a entendu le chœur de déploration, mais ensuite il y aura un air où qui sera typique de ce que Beethoven va développer aussi très souvent dans ses œuvres, c'est-à-dire qu'il y a un soliste et le chœur qui reprend. Mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental dans la musique que ce système responsorial, mais il va beaucoup jouer avec cela. Et déjà dans la période de Bonn, il a fait des leaders comme ça, qui, par exemple un qui s'appelle l'homme libre. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est une question. Et du chœur, et un soliste répond, c'est celui qui ose défier les tyrans, grosso modo. Hein. Il y a plusieurs, il y a 10 strophes. Alors cette structure responsoriale, Beethoven l'utilise et il la soutient avec des sonorités qui sont des sonorités qui, on va dire, qui portent sens. Parce que quand vous avez des cors ou quand vous avez des trompettes, hein, c'est quelque chose qui... Alors, c'est pas la chasse, le corps, pour Beethoven, hein, parce que c'est pas simpliste, hein, du tout. Mais c'est ce que dirait Berg, ce que Berg a beaucoup retenu, c'est la sonorité, le clang, la façon dont ça peut sonner quelque part et comment ça peut concerner la collectivité. Et à côté, il y a l'individu, et par exemple, dans, je disais, le numéro 3 de cette cantate, c'est la mélodie de l'humanité, même ça a été caractérisé maintenant comme la mélodie de l'humanité, et ça commence par une ligne sublime du hautbois. Du hautbois, c'est quelque chose d'admirable, enfin oui, j'aime pas employer des mots comme cela, mais c'est quelque chose qui vous atteint très très profondément et qui est repris par une soprane qui nous dit que maintenant on va arriver jusqu'à l'idéal divin et qui ensuite est repris par le chœur. Donc vous avez la sonorité, le timbre, la voix avec des paroles, mais c'est pas très grave, et le chœur, le collectif qui reprend cela. Vous dites que dans sa musique, il essaye même le chant pour l'homme libre, etc., qu'il y a cet éloge de la liberté, vous le qualifiez de révolutionnaire, il veut défier les tyrans, et pourtant il passe sa vie quand même à être financé directement par les puissants. Oui, il y a d'ailleurs... Une ambivalence quand même à ce sujet-là, il a besoin d'eux pour composer. Un texte de lui qui dit, oui, c'est quand même pas mal les aristocrates, mais il en a besoin. Alors, il faut quand même voir... Expliquez-nous son statut, peut-être, comment est-ce, de quoi ah, il oui, vit. Oui, d'accord, très bien. Donc, Beethoven est né dans une famille de musiciens. Son grand-père était maître de chapelle, mais du prince électeur de Cologne qui résidait à Bonn. Donc c'est un peu compliqué pour comprendre pour nous, mais Bonn était donc le lieu où le prince avait sa cour, avait sa chapelle, avait son théâtre. Et le grand-père avait une bonne position. D'ailleurs, il y a un portrait du grand-père avec fourrure et partition. Qui s'appelle Ludwig également, n'est-ce pas? Il s'appelle Ludwig également, et donc il avait une certaine position sociale. Le père de Beethoven était chanteur. Il n'est pas devenu maître de chapelle quand son propre père est mort en 1773, quand Beethoven n'avait que 3 ans. Donc c'était un peu un mythe pour lui, ce grand-père. Hein. Mais le papa Johann, qui était chanteur, et avait aussi une vie active dans la musique de la ville. Il organisait des concerts dans l'hôtel de ville. Et il avait beaucoup d'amis musiciens, en particulier le directeur du théâtre de Bonn qui venait d'être créé. Un théâtre national a été créé à Bonn en 1778. Et là, il y a la troupe itinérante de Grossmann qui a pris résidence, comme on dit maintenant, qui faisait des pièces assez osées, en particulier les Brigandschiller, et qui avait comme directeur musical Neffe, qui est devenu le maître de Beethoven, et qui était lui-même Neffe, qui était illuminé de Bavière. Il était un des responsables de la section locale. Donc vous voyez le contexte de Beethoven. Alors là, Neffe prend en charge Beethoven et l'introduit dans l'orchestre de la cour où pendant 10 ans, 12, un peu plus de 10 ans, Beethoven fait partie de cet orchestre et il a comme position d'ailleurs d'être cymbaliste, c'est-à-dire qu'il fait répéter les chanteurs ou les acteurs. Vous voyez la culture qu'il peut acquérir dans ce milieu-là. Et comme il était un génie, on se rendait bien compte que c'était pas n'importe qui, le prince électeur, ce qui était une pratique fréquente de cette époque, l'a envoyé à Vienne pour se former, pour continuer à se former dans la composition avec Haydn qui était passé par Bonn, qui l'avait reconnu, etc. Bon, enfin ça c'est tout. Mais c'était une pratique de l'époque d'envoyer les peintres, les bons peintres à Rome et les bons sujets musicaux. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il est directement financé par le prince ? Ah là oui ! Là, il est financé par le prince. Il a une bourse du prince. Hein. Et ensuite, ce qui est pas très révolutionnaire. Non, mais ce contexte, c'était le contexte du despotisme éclairé et des lumières. Hein. Donc, c'était nous, on a notre recul avec ce que ça donnait après et les tensions, la guerre quoi, entre l'ancien régime et la nouvelle ère. Mais donc il est financé par son prince mais le prince il va être lui éjecté par les révolutionnaires quand Beethoven est à Vienne. Donc, quel prince parle-t-on là à ce moment-là? Là du toujours le même prince électeur, Maximilien Franz, un des frères de Joseph II et le petit dernier de Marie-Thérèse. Non, il était vraiment dans cette mouvance de l'aristocratie et du pouvoir. Parce que ses relations avec les princes vont être ambivalentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une anecdote qu'on rapporte. À l'automne 1806, par exemple, il accompagne son mécène, alors le prince Karl Lichnowsky, dans son château de Silésie. Et à l'occasion de ce séjour, il va faire la démonstration la plus éclatante de sa volonté d'indépendance. Lichnowsky le menace de le mettre aux arrêts s'il s'obstine à refuser de jouer du piano pour des officiers français. Alors Beethoven va quitter son hôte après une violente querelle et il lui envoie un billet dans lequel on peut lire ceci. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis pour moi-même. Des princes, il y en a. Et il y en aura encore des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » C'est vrai cette histoire, Elisabeth Brisson? Je vous sens sceptique. Oui, le texte que vous avez lu a été raconté, publié dans un journal dans les années 1870. Beethoven est mort en 1827 et donc entre 1830 et 1870, vous voyez, ça fait 40 ans. Quand même. Et il y a eu beaucoup de rivalités pour créer, je dis bien, une biographie de Beethoven. Donc il y avait beaucoup d'éléments qui ont été remués et il fallait que chacun apporte quelque chose de nouveau. Et par hasard, il y a le petit fils du médecin qui était évidemment mort, qui s'était trouvé en Silésie, là où était Beethoven, qui aurait rapporté cette affaire-là, un billet qu'on n'a jamais retrouvé. D'accord. Alors, donc il n'y a pas de preuve matérielle. Hein. Ça vous paraît invraisemblable? Non. Mais ça alimente le mythe. Ça alimente. Il y a vraiment un mythe quand même qui a été construit autour de Beethoven. Comme les portraits, tout le monde a en tête l'image du Beethoven, les cheveux un peu fous, le regard mélancolique. Il ressemblait pas du tout à ça, en fait. D'abord, on sait pas comment il était. C'est comme ce que dit la spécialiste des portraits de Beethoven. Parce qu'il y en a, c'est vraiment des portraits souvent idéalisés. Donc, ils sont pas du tout réels. Alors, moi, ce que j'aime bien montrer, c'est les portraits du jeune Beethoven. Il s'était fait faire un petit médaillon en 1802, donc il avait 30 ans. Il y avait un petit médaillon par un spécialiste de portraits, un peintre danois. Et là, on le voit avec une coiffure à la Titus, c'est-à-dire une coiffure révolutionnaire, et pas de perruque. Il a un beau foulard autour du cou, une belle redingote. Enfin, il est très très bien, mais tout le monde dit qu'il était mal habillé, mais c'est complètement faux. Et par exemple, en 1810, quand il veut se marier avec Thérèse Malfatti, oui, il demande à son ami Gleichenstein d'aller lui prendre les plus beaux habits dans les plus beaux tissus, et il demande à Tzmeskal un miroir pour se regarder dans la glace, quoi. Donc, il a des velléités de... Mais aussi, par exemple, quand il est avec son neveu dans les années 1820, il a des lettres où il dit à son neveu, oui, quand tu vas chez toi, et tu te déshabilles et tu te mets en habit de maison. Alors on va écouter un trio pour piano, violon et violoncelle, l'adagio de ce trio composé à Vienne entre 1793 et 1795. Le trio dédié au prince Karl Lichnowsky, donc même si la querelle est vraie, bah finalement il est pas rancunier puisqu'il lui dédie quand même ce trio. Il l'appelle et vous nous direz pourquoi ensuite, hein, le opus 1, pourquoi comme si c'était le début de tout. Alors le début de quoi? Vous nous le direz, Elisabeth Brisson. On va entendre donc l'adagio de ce trio pour piano et ensuite une lettre que Beethoven adresse à Johann Streicher en septembre 1796, dans laquelle il fait part de son émotion d'avoir entendu pour la première fois l'interprétation du trio qu'il a composé. Très excellent Streicher, votre petit élève, dont l'interprétation de mon adagio m'a tiré quelques larmes des yeux, m'a de surcroît plongé dans l'étonnement. Pour être honnête, j'ai osé pour la première fois entendre une interprétation de mon trio, et cela me convaincra vraiment d'écrire pour le clavier plus que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Si je ne suis compris que de quelques-uns, je m'en satisferai. Cela ne fait aucun doute. La manière de jouer du clavier demeure jusqu'ici celle que l'on cultive le moins parmi tous les instruments. On croit souvent n'entendre qu'une harpe, et je me réjouis, cher ami, que vous soyez l'un des rares à comprendre qu'on peut aussi chanter sur le clavier, pour peu qu'on arrive à le ressentir. J'espère que le temps viendra où harpe et clavier seront deux instruments complètement différents. Ludwig van Beethoven. Dites que c'est ce passage-là qui vous fait pleurer, Elisabeth Brisson. Oui. Ce passage-là qui fait pleurer quand on le joue, quand on l'entend, et qui devait faire pleurer Beethoven. Je pense que c'est là, il a été frappé de réentendre et voir l'émotion que le piano peut dégager. Oui, parce qu'on retient de Beethoven ses symphonies. Or, il faut savoir que Beethoven, et on l'entend d'ailleurs dans la lettre, hein, il le dit, il a pendant longtemps composé uniquement de la musique de chambre, et que c'est le clavier qui restait son instrument de prédilection toute sa vie. Oui, alors là, c'était en 1796, la lettre de 1796. Lui, ses trios, il les a publiés en 1795. Il avait que 25 ans, là encore. Hein. Donc, il n'avait pas encore fait de symphonie, même s'il en avait peut-être une sous le bras. Parce qu'il est passé. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il avait été envoyé à à Vienne pour se former. Ouais. Donc il avait sous le bras des partitions. Et sans doute, il avait une symphonie, il avait en tout cas un concerto. Et alors, ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'il dit « même si je ne suis compris que de peu ». Et c'est, vous me demandiez en quoi il était révolutionnaire, vous voyez qu'il est très conscient, dès 1795-96, qu'il fait des compositions qui dépasse l'horizon d'écoute de ses contemporains. Qu'est-ce que c'est l'horizon d'écoute de ses contemporains ? Eh bien, l'horizon d'écoute de ses contemporains, c'est des musiques un peu simples, un peu jolies, un peu faciles à jouer. Il y a quand même eu Mozart avant lui. Oui, il y avait du Mozart. Oui, mais Mozart a été contesté aussi. Il n'était pas apprécié par tous. Et à Vienne, dans les années 1790, il y avait ce fameux von Swieten, qui était le bibliothécaire de la cour et qui était féru de musique, qui a soutenu Mozart, qui a soutenu Gluck et qui a surtout fait en sorte que la musique sérieuse de Bach et de Handel soit réécoutée, rejouée, transcrite. D'ailleurs, il a demandé à Mozart souvent de transcrire le Messie, par exemple. Et si bien que on était dans un contexte de développement d'une écoute de musique sérieuse. Et de développement aussi d'instrumentistes qui étaient de plus en plus compétents. Si bien qu'il va y avoir une distinction entre les amateurs qui jouent une musique qui leur fait plaisir entre eux, hein, et puis les professionnels qui jouent de façon difficile, comme le violoniste Schuppanzig, qui faisait partie d'ailleurs du quatuor de Lichnowsky. Le prince Lichnowsky a accueilli Beethoven à Vienne. Il a vu que Beethoven était un génie tout de suite, hein. Il l'a emmené en voyage en 1796. Lichnowsky s'était déjà intéressé à Mozart, hein. Et lui, il avait son quatuor, et dans ce quatuor, eh bien Schuppanzig était un très bon violoniste, et Beethoven a été au contact de ces excellents instrumentistes, si bien qu'il va faire des œuvres pour les excellents instrumentistes et non plus pour des amateurs qui aiment se faire plaisir. Hein. C'est ce que souhaite Beethoven, hein, il le dit à plusieurs reprises, il souhaite modifier l'écoute de ses auditeurs. Oui, il souhaite les entraîner à une écoute qui soit pas une écoute superficielle, sociale, j'allais dire mondaine, on dit plutôt mondaine, et qui soit comme il dit que il a lui-même été très ému parce qu'il entendait. Ce qu'il veut, c'est que ce qu'il souhaite plutôt, c'est que les auditeurs soient émus et remués. Ce qui est une façon de, comme tout philosophe dit, c'est quand on a une émotion qu'on s'interroge et qu'on pense. De même que le contexte politique est important pour comprendre la composition de Beethoven, de même le contexte musical l'est aussi, même au sens matériel du terme, parce que j'insistais sur l'importance du piano, du clavier pour Beethoven. Ce qu'il écrit aussi est contemporain de l'invention du pianoforte, enfin la première forme du piano moderne. Qu'est-ce que ça change ? En fait, le clavecin n'a pas la variation d'intensité lorsqu'on appuie sur la touche. Avec ce pianoforte, ben finalement, il y a les contrastes entre le pianissimo très léger, le fortissimo au contraire très puissant, ce qui est vraiment caractéristique de l'éventail beethovenien. Oui, le piano forte qui se met en place, hein, c'est difficile de dire invention, ça a été bon, il y a l'école de Londres, il y a l'école de Vienne, il y a en France aussi. Et Beethoven, dans une lettre quelques mois plus tard, toujours à Streicher, son ami qui était facteur de piano, hein, c'est donc qui fabriquait des pianos, il lui dit: mon bon Streicher, c'est formidable, j'ai fait un piano, mais en fait, vous allez pas me croire, hein, mais sincèrement, il est trop bon, parce que je peux pas fabriquer mes sons. C'est incroyable, ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est vrai que quand on joue du piano, on peut, quand on sait, avoir un certain toucher et fabriquer une sonorité en laissant plus ou moins sonner la note, en la frappant d'une certaine façon, en l'alliant à une autre. Donc, et vous voyez que dès 1796, et ça c'était un aspect révolutionnaire de Beethoven, c'est qu'il veut fabriquer de l'inouï. Ce qui est un comble pour un compositeur qui commence à perdre l'ouïe. Oui. Et ça, c'est pas un mythe, Elisabeth Brisson. Non, c'est pas du tout un mythe. Il commence à avoir les premiers symptômes. À partir de quand ? En 1798. Et premiers symptômes. Sachant qu'il est né en 1770, donc il est très jeune. Oui, il n'a pas 30 ans. Il n'a pas 30 ans et il a donc ses premiers symptômes. Et on le sait, là, vraiment, parce que c'est les lettres qu'il a écrites en 1801 à ses deux meilleurs amis. Il dit qu'il va très bien, que Lichnowsky lui a donné une rente, qu'il a plusieurs éditeurs, mais le démon jaloux s'est mis en travers de ma route. Je deviens sourd et je n'ose pas le dire. Et surtout, ce que je vous confie, c'est un secret, vous ne le dites à personne. Donc comme moi j'ai l'impression qu'il se sent comme un imposteur. Il est celui, le musicien qui a une politique musicale, hein, parce que c'est pas Schubert, hein, c'est-à-dire qu'il sait se valoriser. Salieri, par exemple, l'invite à faire des concerts et ensuite, il va lui dédier des sonates pour piano-violon. Donc, une façon de vraiment d'établir le terrain pour pouvoir être reconnu et être nommé à un poste de maître de chapelle qui va être son idéal pour toute sa vie. Il ne sera jamais nommé maître de chapelle. Mais, imposteur, disiez-vous. Oui, c'est ça. Donc, il est celui qui vide sa musique, qui la donne aux autres, et il faudrait qu'il dise qu'il n'entend pas. Il écrit le 29 juin 1801 à Franz Wegeler à Bonn. Je dois dire que je mène une vie misérable. Depuis presque 2 ans, j'évite toutes les relations parce qu'il ne m'est plus possible de dire aux gens que je suis sourd. Si j'exerçais dans quelque autre domaine, ça irait encore. Mais dans le domaine qui est le mien, cet état est effroyable. En outre, mes ennemis, dont le nombre n'est pas moindre, que diraient-ils de cela? Voilà, ce que je vous disais, c'est cet ami Wegeler. Alors Wegeler qui était un ami de Bonn, qu'il avait rencontré en 1780, qu'il a introduit dans les milieux de la bonne bourgeoisie, des lumières de Bonn. Et Wegeler était médecin. Il n'était pas musicien, enfin, il pratiquait un peu. Il y a des partitions avec des doigtés d'ailleurs pour Wegeler, des choses simples. Mais Wegeler était médecin et donc c'est un médecin qui se confie. Il se confie, il dit « tu vas peut-être pouvoir m'aider et me donner des remèdes ». Hein, et voyez là, c'est vraiment l'aveu. Et il dit également, les gens pensent que c'est parce que je suis souvent distrait. Donc ils mettent ça sur le compte de ma distraction, mais j'ose pas leur dire que. Et alors la notion d'ennemi, ça c'est quelque chose aussi qui chez Beethoven est permanent. Il a toujours des ennemis, mais il carbure à l'ennemi. Oui, c'est ça. Il le recherche. Mais oui. Le plus fou, c'est qu'il continue à composer jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'il n'entend plus. Alors, et même Goethe, en 1812, quand il a rencontré Beethoven et qu'il a écrit à sa femme et à son conseiller musical Zelter, il dit, c'est étonnant, ça le gêne pas du tout dans sa composition, ça le gêne dans ses relations sociales, mais dans sa composition, non. Alors ça, c'est toujours l'interrogation, mais vous savez que n'importe quel musicien et compositeur vous dira, il entend la musique qu'il écrit. Il voit, il l'entend sans avoir besoin. Enfin, on a besoin de contrôler les timbres instrumentaux, mais beaucoup de professionnels, ils n'ont pas besoin d'avoir la réalisation sonore pour entendre ce que ça fait. Et Beethoven, il l'entendait à l'intérieur de lui, mais il était musique hein, depuis le début. Enfin, musique. Ce qui vaut à Victor Hugo un hommage incroyable en ce texte qui était une idée inédite jusqu'en 1914, que vous allez entendre dans un instant, lu par Vincent Schmitt. Victor Hugo qui rend hommage donc à Beethoven avec cette première phrase sublime. Ce sourd entendait l'infini. Penché sur l'ombre, mystérieux voyant de la musique, attentif aux sphères, cette harmonie zodiacale que Platon affirmait, Beethoven l'a noté. Les hommes lui parlaient sans qu'il les entendît. Il y avait une muraille entre eux et lui. Cette muraille était à claire-voix pour les mélodies de l'immensité. Ah, vous doutez de l'âme? Eh bien, écoutez Beethoven. Cette musique est le rayonnement d'un sourd. Est-ce le corps qui l'a faite? Cet être qui ne perçoit pas la parole engendre le chant. Son âme, hors de lui, se fait musique. Que lui importe l'absence de l'organe? Le verbe est là, toujours présent. Beethoven, tous les pores de l'âme ouverts s'en pénètrent. Il entend l'harmonie et fait la symphonie. Il traduit cette lyre par cet orchestre. Les symphonies de Beethoven sont des voix ajoutées à l'homme. Cette étrange musique est une dilatation de l'âme dans l'inexprimable. L'oiseau bleu y chante, l'oiseau noir aussi. La gamme va de l'illusion au désespoir, de la naïveté à la fatalité, de l'innocence à l'épouvante. La figure de cette musique a toutes les ressemblances mystérieuses du possible. Thank you. Il entend l'harmonie et fait la symphonie, Elisabeth Brisson. Quel texte de Victor Hugo, c'est vous qui l'avez trouvé ? C'est une amie, Marianne Pernaud, qui l'avait trouvé. Parce que l'année dernière, dans le centre de musique de chambre de Jérôme Pernaud, eh bien, il y avait un moment qui était consacré à Beethoven. Et comme c'est la dramaturge qui a trouvé ce texte et que je trouve superbe. La verve hugolienne correspond parfaitement à la fougue de Beethoven, non ? Oui. Mais alors, Hugo n'a pas été le seul à dire que c'était un sourd qui entendait l'infini, parce que Wagner va faire son beurre, j'allais dire, avec cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il n'était plus besoin d'avoir le monde extérieur, il était dans le monde intérieur, etc. Alors, que sommes-nous en train d'écouter ? Alors, nous ne sommes pas en train d'écouter le final de la troisième symphonie de l'héroïque, mais... Même si ça y ressemble. Mais voilà, parce qu'il a repris des idées. Mais c'est très intéressant, cette reprise d'idées. C'est que c'est le final des Créatures de Prométhée. C'est une musique de ballet qui lui a été commandée en 1801 par le maître de ballet. Et l'histoire, l'argument a été reconstitué assez rapidement. Enfin, on l'a reconstitué. Alors, de quoi s'agit-il ? Prométhée était une grande figure des Lumières. Hein. Et pas le Prométhée auquel on mange le foie, hein, mais le Prométhée créateur d'une humanité nouvelle. Qui vole le feu. Qui vole le feu à Zeus, oui, pour créer des hommes. Et là, on insiste sur la création, grâce à la divine étincelle, etc. Et Goethe a d'ailleurs fait un grand poème là-dessus, où Prométhée défie Zeus en disant « Moi, j'ai créé des hommes qui savent être émus. Hein. » Et donc, il faut voir ce contexte. Et dans ce contexte, eh bien, Prométhée, dans l'argument du ballet, Prométhée est désespéré parce qu'il a fait des créatures qui sont momoles. Nous autres, êtres humains. Et il est prêt à se suicider. Donc une belle musique. Tout d'un coup, il a la divine étincelle. Voilà. Donc Beethoven. Et qu'est-ce que c'est, la divine étincelle ? C'est d'amener ces créatures au Parnasse. Et c'est la musique qui va les humaniser. Et là, la dernière partie de ce ballet, eh bien, c'est l'apothéose de Prométhée, qui est donc la victoire. Alors, il y a toutes sortes de choses entre-temps, hein, mais la victoire de l'humanisation par la musique. Et c'est cette victoire de l'humanisation par la musique que Beethoven reprend sous forme de variations pour piano, les variations opus 35, en disant à son éditeur, mais c'est un thème personnel, c'est un thème de moi, un thème original. Et il va faire des variations et il va reprendre également ce thème comme finale de la symphonie héroïque. J'écris une nouvelle symphonie. Elle fera scandale à cause de son sujet. Racontez-moi. Tenez, prenez mon bras. C'est à eux de s'écarter devant nous, et non l'inverse. Leurs jours sont comptés. Votre monde touche à sa fin. Taisez-vous donc. Quand j'étais enfant, ils vous auraient fait arrêter pour moins que ça. Mais aujourd'hui, ils ont peur à cause de ce qui se passe en France. Savez-vous pourquoi les perruques ne sont plus à la mode ? Pourquoi ? Parce qu'elles ont trop souvent fini au fond d'un panier de sueur. Mais je suis comtesse, Ludwig. Ils ont peur. Ils ont peur de Napoléon. Voilà pourquoi Napoléon est le sujet de ma symphonie. Napoléon est le sujet de la symphonie héroïque, Elisabeth Brisson ? Oui. C'est ce que semble dire Gary Oldman dans le film qu'il consacre à Ludwig van Weber, d'ailleurs. C'est le titre du film en 95. Oui. Et il y a un témoignage à son éditeur Breitkopf-Hertel. Il dit, c'est cette symphonie où je l'intitule Bonaparte, où je la dédie à Bonaparte. Haydn avait des symphonies qui dédiaient ou qui a été nommé, et pourtant Beethoven n'a pas beaucoup nommé d'œuvres. Mais là, il dit, c'est vraiment nommé Bonaparte. Parce qu'il voulait aller à Paris et être reconnu, pris en considération par les autorités musicales et peut-être par Bonaparte pour être nommé son maître de chapelle. Donc il fallait faire, il s'est dit je vais aller à Paris avec des symphonies sous le bras et il compose la troisième symphonie avec cette idée, ce qu'on appelait tout à l'heure l'horizon d'écoute, des révolutionnaires français. Il savait que depuis 10 ans en France, il y avait toutes ces marches, ces hymnes, ces symphonies militaires qui avaient forgé une écoute où la musique était porteuse d'un idéal révolutionnaire. Enfin, oui, c'est ça, d'idéal révolutionnaire, au sens où on est dans le collectif, on œuvre ensemble et on va su à la tyrannie. Alors, je rassure les auditeurs qui se diraient, mais on n'a écouté qu'un millième de la composition de Beethoven aujourd'hui. On a d'ailleurs parlé des cantates et des œuvres qui sont peut-être moins connues. On parlera des sonates demain avec Julien Liber. On parlera des quatuors, l'histoire du quatuor en général et ceux de Beethoven jeudi. Mercredi, on parlera avec André Tuboeuf aussi des rapports, encore plus précisément avec la philosophie, notamment avec, André Tuboeuf fait de Beethoven un héros nietzschéen. Aujourd'hui, Elisabeth Brissy, on avait choisi d'entendre ces morceaux peut-être moins connus. Alors, il nous reste peu de temps pour terminer cette émission, enfin il reste peu de temps avant la fin de l'émission. Vous avez le choix, est-ce que vous voulez qu'on écoute la cantate en deux parties, Mère Hostile, ou bien la fantaisie pour piano, orchestre et chœur composée en 1808. Qu'est-ce que vous choisissez? Ou la 9e symphonie, c'est à vous de voir d'ailleurs. Bah, peut-être Mère Hostile parce que c'est moins connu. Hein, est-ce que vous voulez en dire deux mots avant qu'on l'entende? Alors c'est l'association de deux poèmes de Goethe qui sont en contradiction, en contraste, et Beethoven a très très souvent comme ça, fait des œuvres où on a un contraste pour l'ensemble de l'œuvre. Parce qu'on est toujours dans un parcours, et on peut même dire d'un parcours initiatique vers soi-même, vers sa propre libération. Et alors là, c'est Mère Hostile et Glückliche Fahrt, c'est-à-dire le calme de la mer et la traversée heureuse, qui est tout à fait une métaphore de l'inspiration. Mm-hmm. C'est-à-dire que le désespoir, quand rien ne vient, et puis tout d'un coup, le vent, la mer, ça s'agite et on peut enfin traverser et aller sur l'autre rive, la rive de la création. L'inspiration vers la création. Quel morceau, Elisabeth Brisson, ici interprété par l'Orchestre Philharmonique de Vienne et les chœurs de l'Opéra de Vienne. Il faut dire, précisons-le pour terminer cette émission, que Beethoven avait aussi pour but de venir en aide, et pas simplement à l'artiste, mais aussi à l'humanité souffrante. Il y a quelque chose de quasiment, c'est vous qui employez le terme de christique chez lui. Oui, alors ça va, il va, il, il, ça va se mêler avec une figure christique, surtout qui va faire un oratorio sur le Christ au Mont des Oliviers en 1803. Mais dès le début de sa vie, aussi c'est exprimé dans le Testament, et plusieurs fois aussi, il propose ses œuvres à des amis pour leur dire, pour aider les pauvres. Et c'est gratuitement, hein, c'est pas, là, autant il demande aux princes, les mécènes, d'avoir, il fait des dédicaces pour être soutenu. Et bien là, il a très souvent donné ses partitions pour que ce soit interprété de façon à ce que ceux qui peuvent pas avoir accès, parce qu'ils sont trop pauvres, puissent jouer, entendre sa musique. Jouer aussi, chanter, parce que les bouts de sa messe, Missa Solemnis, il l'a donné à Varenna, par exemple, à Linz, pour qu'elle soit exécutée. Et ça a été toute sa vie une de ses préoccupations. Et on insiste, les chercheurs maintenant insistent beaucoup aussi sur cette dimension de Beethoven, parce qu'on dit toujours l'héroïque, etc., le violent, le puissant, mais pas du tout, il s'est vraiment préoccupé. Et alors, il y a une lettre superbe en 1812, au moment où il rencontre Goethe et au moment où il a laissé cette lettre à l'immortel bien-aimé, ben, il écrit aussi à une petite fille qui lui avait... Émilie, on ne sait pas trop qui c'est, et il lui dit, merci, il la remercie, il prend la peine d'écrire alors qu'il n'aimait pas écrire, et il lui dit, persévère, c'est dans la bonté et dans la vertu que réside le sens de la vie. Il écrit, ma chère et bonne Émilie, ma chère amie, ne dépouille pas Handel, Haydn et Mozart de leur couronne de l'univers, elle leur est due. À moi, pas encore, poursuis ton chemin, ne te contente pas d'exercer l'art, mais pénètre aussi son être intérieur. Cette idée de pénétrer l'être intérieur de l'art est quelque chose de très caractéristique de sa conception de la création. Et oui, c'est sa musique, comme c'est porté par la joie de la 9e symphonie, c'est exactement ce qu'il veut, du cœur au cœur, et que par sa musique, par la musique, parce qu'il n'était pas que un pianiste, par la musique, mais une musique qui soit toujours en état de recherche et pas de répétition, hein, de répétition de ce qui avait déjà été fait, de permanente création, que par la musique, on accède à l'éternité dans l'instant. Merci beaucoup Elisabeth Brisson d'être venue nous parler de Beethoven ce matin. Merci Adèle. On peut lire votre biographie aux éditions Ellipse. On se quitte avec une bagatelle de Beethoven. C'est Plamena Mangova, le pianiste, qui interprète cette bagatelle, mimée en studio par Elisabeth Brisson. Sur France Culture, le chemin de la philosophie, Géraldine Mossa Savoie vient d'entrer en studio. C'est l'heure du journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez vécu une drôle d'expérience. Dans les années 1910, Freud a inventé le concept d'inquiétante étrangeté, enfin en tout cas qu'on a traduit comme ça en français. Concept psychanalytique qui décrit cet effroi face à des choses connues, familières. C'est par exemple ce sentiment que vous avez peut-être déjà eu en croisant votre reflet dans le miroir ou en écoutant votre voix sans vous reconnaître tout de suite, mais en vous disant que cette personne vous rappelait quand même quelqu'un. Autrement dit, vous avez eu affaire à un étranger qui était en fait vous-même. Eh bien, j'ai vécu exactement l'inverse il y a quelques semaines. Ce que je croyais être ma propre personne m'a été complètement étrangère et ça m'est arrivé en écoutant ça. We'll be right back. Alors, vous ne connaissez pas, peut-être pas cette chanson? Non, ben moi non plus. Et pourtant, c'est elle que j'ai, paraît-il, le plus écoutée en 2019. C'est en tout cas ce que j'ai découvert grâce à la plateforme d'écoute musicale instantanée Spotify. Tous les ans, la plateforme établit en effet un palmarès des chansons les plus écoutées sur son profil personnel. Ce palmarès est purement une question de chiffres, sont comptabilisés puis classés les titres que l'on sait repasser en boucle. Et ma comptabilisation n'a donc rien à voir avec la vôtre, Adèle, celle de ma mère ou celle de mon meilleur ami. En cela, c'est toujours pour moi un grand moment quand viennent ces palmarès. C'est en effet une bonne manière, je trouve, de se replonger dans les mois passés, de revivre, comme la musique le permet, telle ou telle sensation. Mais c'est aussi une bonne manière d'avoir sous les yeux, blanc sur noir, un classement objectif de ses goûts musicaux. Je pourrais vous dire que j'écoute Beethoven ou que j'ai une passion pour Beyoncé. Au final, c'est un artiste dont je ne connais même pas le nom qui aura eu mes faveurs en 2019. Les chiffres ne mentent pas. Mais quand même, pourquoi cette chanson ne m'a-t-elle laissé aucune trace? Alors certes, en la réécoutant, je me souviens très bien de l'instant où je me suis passé cette chanson. C'était en juillet, j'étais allongée sur mon canapé, mais rien d'autre. Spotify m'aurait-il ainsi révélé une part inconnue de mon être ou que je suis désormais devenue une étrangère à moi-même? Viens pas mettre le nez dans mes affaires. Mon rap prend de la protéine, soulève plein les haltères. Je fais des dons d'urine pour que la France entière se désaltère. L'Afrique c'est la terre, à leur santé je déblatère. Portuaire et la rivage, le paysage est mortuaire. En banlieue mesdames, messieurs, on fait dans la camel sportswear. On me duplique au marché Malik, me clique sur internet. Décembre 2019 n'a pas seulement été le mois des classements de l'année passée, mais celui carrément de la décennie 2010. Et là, je m'y suis complètement retrouvée. Booba, que vous venez d'entendre, est mon artiste de la décennie. J'ai même eu droit à une petite vidéo faite par Spotify avec tous mes titres préférés de l'artiste. Il faut le dire, la plateforme s'est donné les moyens. J'ai eu le sentiment d'écouter en condensé, pas seulement des moments de vie, mais de saisir quelque chose de moi. J'ai ainsi vécu, pour le coup, l'expérience contraire. J'aime Booba, et Booba coïncide exactement avec l'idée que je me fais de mes goûts musicaux et donc de moi-même, de ce que je peux dire de moi pour me définir socialement, mais aussi individuellement. Comment était-ce alors possible de vivre ces deux expériences opposées? Car au-delà de la question du classement, de la quantification de ce qui relève du sentiment esthétique, il y a quand même ce problème d'adéquation entre ses goûts et son identité. Jusqu'où la musique révèle-t-elle en fait quelque chose de moi? Et peut-elle le révéler malgré soi, malgré ce que l'on croit aimer ou ce que l'on pense être dans ses goûts? Hey Michel, faut que tu te poses. T'as plus 15 ans. Hey Michel, faut que tu oses. Va de l'avant, je préférais ton style d'avant. Tu te la joues trop parisien, tu mets tes cheveux en avant. Je préfère limite quand y'a rien. Tu stagnes un peu, faut que t'avances. Détends-toi, ça te fera du bien. Parle plus fort, on t'entend pas. Tout claquer, c'est t'entends ça. Hey Michel. Il faut le dire, les plateformes musicales sont, je trouve, fabuleuses. Leur système d'algorithme fait que chaque semaine me sont recommandés des artistes que je suis censée aimer, comme celui qu'on vient d'écouter et qui s'appelle donc Michel. Mais je me suis demandé, à force de suivre les recommandations de Spotify, suis-je enfermée dans une boucle? Quel artiste suis-je allée par moi-même découvrir, rechercher ces dernières années? La musique serait-elle donc devenue pour moi un fond peu identifiable? Eh bien quand même pas, car il faut à mon sens distinguer la musique qu'on écoute sciemment, consciemment, qu'on aime associer à soi, qu'on aime ériger au rang de ses goûts, en pensant dire quelque chose de soi, de la musique qu'on aime tout court et qui est parfois honteuse. On aime se définir grâce à la musique, mais je crois que c'est surtout l'inverse qui se produit, c'est elle qui nous définit. Et vous, Elisabeth Brisson, vous savez quelle musique vous avez le plus écoutée ces 10 dernières années? Moi, c'est la musique classique. Comme ça, c'est très large. Je me doute bien que c'est pas Booba, mais qui c'est? Oh, ça, c'est entre Bach, Beethoven, Berg, bien sûr. Je viens de terminer, enfin, d'éditer un livre sur Berg. J'ai écouté beaucoup de musique de Berg. Eh bien, peut-être que Spotify vous aurait renseigné sur une musique comme Géraldine qui vous paraissait étrangère et qui, en fait, vous caractériserait. Merci beaucoup, Géraldine, en tout cas, pour votre chronique, qui est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.